gamin ce temps. Un pincement secret pique la poitrine et puis l'espoir se rembobine. Alors notre beau regard du dimanche fait la planche, c'est tout simplement la fin. Le rire se tend, la main se détend. L'amour valse à trois temps n'a duré que trois saisons. Na na na. N'a duré que trois saisons. La la la la la la la la la la la la. L'amour valse à trois temps n'a duré que trois saisons. Que trois saisons. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. C'est terminé.